إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إنه رأس مال المفاليس وجند من جنود إبليس إنه التسويف فمن أعظم أسلحة الشيطان التسويف والخذلان قال تعالى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره ولأمنينهم أي أزين لهم ترك التوبة وأعدهم الأمان وآمرهم بالتسويف. ومن أدوية التسويف نبذ الكسل والتشمير بالجد والعمل. يقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، رواه مسلم. ومن أدوية التسويف ذكر الموت والمبادرة بالتوبة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. ويقول ابن الجوزي رحمه الله وهذا نهاية الدواء لهذا الداء، فإنه من ظن أنه لا يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد. ومن أدوية التسويف تقصير الأمل، لأن طول الأمل يبعث على التكاسل والتسويف، وربما اختطفه الأجل قبل إصلاح العمل. يقول تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن أدوية التسويف الالتجاء إلى الله، فإن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، رواه البخاري ومسلم. وقال النووي رحمه الله أما العجز فعدم القدرة على الخير، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به، وكلاهما تستحب الإعاذة منه. ومن أدوية التسويف ترك الأماني، فالأماني تخدر الهمم وتدفع النعم. قال صلى الله عليه وسلم العجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وحسنه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله المتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر، ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة. ومن أدوية التسويف ترك الإصرار على المعاصي والأضرار. قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول الإمام القرطبي في تفسيره: الإصرار هو التسويف، والتسويف أن يقول أتوب غدا، وهذا دعوى النفس. كيف يتوب غدا وغدا لا يملكه؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. عباد الله، من كمال العقل ترك التسويف والنظر في العواقب. قال العلماء: من لا يستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل، مثل أن يغتر بشبابه ويصوف التوبة، فربما أخذ بغتة، فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود. ومن تمادى في التسويف وفي تسويف الخير فقد يعاقب بحرمانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقول ابن القيم: الله يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، والعياذ بالله، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك، نسأل الله العافية. فقصروا الأمل وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل. ويقول تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah. Et sachez que Allah Azza wa Jal va nous ressusciter au jour de la résurrection et nous demander des comptes pour toutes nos œuvres et pour nos paroles et pour notre croyance. Préparez-vous donc pour ce jour de la rencontre avec Allah Azza wa Jal et préservez-vous de son châtiment en faisant les bonnes œuvres qu'il vous a ordonné de faire et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit. Serviteurs d'Allah, sachez que le shaitan a plusieurs ruses et plusieurs armes pour essayer d'égarer l'homme. Et parmi les armes du shaitan et les ruses du shaitan, il y a ce qu'on appelle en arabe « at-taswif ». Et « at-taswif » qui vient du mot en arabe quand on dit « sawfa ». Sawfa, c'est par rapport à qu'est-ce qui arrive dans l'avenir. Sawfa af'al, sawfa atoub, sawfa uslihu nafsi, sawfa usalli, sawfa ata'allam al-islam, ata'allam al-din, sawfa ahfaz al-qur'an, sawfa uhajir fi sabilillah ila bilad al-islam, sawfa وَسَوْفَ وَسَوْفَ. هذا هو التسويف. Tu dis: je vais le faire plus tard, plus tard. Je vais me repentir demain. Je vais faire la hijra demain. Je vais apprendre le Coran demain. Et le temps passe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et finalement rien. Parce que le shaitan, il essaie toujours de nous faire avoir de faux espoirs. et de toujours espérer en des choses et de faire des plans à longue durée et de préparer et de voir les choses à long terme. Comme si on avait toute, hein, comme on dit, on a toute la vie devant soi. Alors qu'en réalité, on ne sait même pas si demain on va être encore en vie dans ce monde. Et Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran le fait que le shaitan, il essaie justement d'égarer les êtres humains et de leur donner de faux espoirs. De donner aux hommes de faux espoirs. Dans le but, justement, qu'ils retardent toujours la repentance. Et puis finalement, ils sont pris par la mort sans s'être repentis. Nasallallahu al-afiyah. Et parmi les remèdes de ce genre de maladie, que parfois en français on appelle la procrastination, mais dans le sens religieux, en arabe on dit at-taswif. Eh bien, yani parmi les remèdes pour se guérir de ce problème, eh bien c'est de repousser la paresse, de se débarrasser de la paresse et de faire preuve de sérieux et de détermination dans nos œuvres. Et on voit que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous incite toujours à se précipiter à faire les choses et à se dépêcher à faire les choses. Et il dit sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hein? Min al-musara'a. Yani précipitez-vous, faites la course les uns contre les autres dans le bien, dans les bonnes œuvres et vers un pardon de votre Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith, badiru bil a'mal. Hein? Dépêchez-vous. Précipitez-vous à faire des bonnes œuvres. Parmi les remèdes du taswif aussi, il y a le fait de se rappeler de la mort. Et lorsqu'on se rappelle de la mort, eh bien, ça nous incite à se précipiter, à se repentir. Parce qu'on sait jamais quand la mort va nous surprendre. Hein? Et lorsque on se lève pour la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu te lèves pour faire ta salat, prie comme si c'était la prière d'adieu. Comme si c'était ta dernière salat que tu allais prier. Et le fait justement de faire ça, eh bien, ça fait en sorte que la personne, elle va prier avec plus de sincérité, plus de dévotion envers Allah Azza wa Jal. Comme s'il ne lui restait pas aucune autre prière à faire. Et donc, il va faire beaucoup d'efforts dans cette prière. Également, parmi les remèdes du taswif, il y a le fait de, justement d'avoir des espoirs courts et de ne pas avoir des espoirs trop lointains. Parce que le fait d'avoir des espoirs lointains et de penser à long terme, trop à long terme, à l'avance, ça peut amener les gens à la paresse et à dire « mais j'ai le temps encore ». Il me reste beaucoup de temps, je suis jeune, je peux faire beaucoup de choses. Et puis après, il est saisi par la mort au moment où il ne s'y attendait pas. Et comme Allah Azza wa Jal a décrit les gens du livre, les juifs et les chrétiens, hein, en disant « Fatala alayhimul amad », ils ont trouvé le temps long. Et à cause de ça, « Faqasat qulubuhum », leurs cœurs sont devenus durs. Hein? Quand ils entendent le rappel d'Allah, ça ne les affecte plus. Et ils ne craignent plus Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les remèdes également du taswif, il y a le fait de se réfugier en Allah en cherchant son aide et en demandant dans les invocations de nous protéger de ce genre de malaise et de ce genre de maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent dans ses invocations, il disait « Oh Allah, je cherche refuge en toi contre les soucis et la tristesse et contre l'incapacité et la paresse. » Et les ulama ont expliqué par rapport à cette signification que yani, c'est l'incapacité de faire le bien ou bien le fait de délaisser ce qui est obligatoire de faire et de dire hein, qu'on va remettre ce qu'on doit faire à demain. Donc ça, c'est dangereux. À chaque fois, tu remets à demain. Et c'est dangereux dans les affaires de la religion, mais c'est également dangereux dans les affaires de la dunya. Combien de gens, ils ont des travaux à faire pour l'université, pour l'école, des devoirs, ou même pour leur travail. Ils ont dit, ah, j'ai un mois pour le faire. Finalement, le jour avant, il doit rester debout toute la nuit pour faire son travail parce qu'il devait écrire 30 pages. Il n'avait rien fait pendant les 30 jours. Et à la dernière minute, il doit préparer une dissertation et il l'a fait en une nuit. Tout ça parce que at-taswif, la procrastination, remettre à demain, demain, demain, toujours plus tard. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, il faut chercher refuge en Allah contre ce genre de choses. Également, parmi les remèdes contre le taswif, il y a le fait de délaisser les faux espoirs, parce que les faux espoirs, qu'est-ce que ça fait? Ça nous endort. Et ça détruit notre détermination. Et ça repousse les grâces d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith ce qui signifie, et la personne incapable, c'est celle qui a laissé son âme suivre ses passions et qui a eu des espoirs à propos d'Allah, des faux espoirs. Et donc la personne qui a des faux espoirs, elle se laisse tromper et donc elle persiste dans le fait de faire des péchés. Donc un des remèdes pour abandonner le taswif, c'est de cesser à persister dans le péché. Donc c'est une chose de faire un péché, que quelqu'un tombe dans un péché, c'est normal parce que ça arrive à tous les êtres humains. Kullu bani adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tous les êtres humains font des péchés et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent à Allah. Donc de tomber dans un péché une fois, c'est une chose. Mais de là à persister, à continuellement faire le même péché, jour après jour, mois après mois, année après année, et tu vis dans ce péché-là de façon permanente, comme si c'est devenu quelque chose de normal pour toi, ça c'est dangereux. Et c'est ça, al-israr, le fait de persister à faire un péché. Et Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le Coran, وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ils n'ont pas persisté à faire le péché alors qu'ils savent. Donc quand tu tombes dans un péché, ne te décourage pas, mais demande pardon à Allah et repens-toi de ce péché-là, cesse de le faire. Et donc tout ça, ça fait partie des choses importantes. Ne dis pas, je vais me repentir demain. Je vais me repentir le mois prochain. Je vais me repentir la semaine prochaine. J'ai encore le temps. Non, parce que le temps, il n'est pas entre tes mains. Donc, délaisse le taswif. Délaisse le taswif. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, ce qui signifie, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous redonne la vie. Et sachez que Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et les ulama ont expliqué, comme l'imam Ibn al-Qayyim, que Allah Azza wa Jal, parfois, si il t'ouvre une porte, il t'ouvre une porte du bien. Et que toi, tu ne profites pas de cette occasion pour faire le bien. Eh bien, parfois, il peut te punir en s'interposant, entre ton cœur et ta volonté. Et donc, par punition, pour ne pas avoir profité de l'occasion de faire le bien au moment où l'occasion s'était présentée, Allah Azza wa Jal te punit en interposant entre ton cœur et ta volonté. Donc, tu peux plus le faire, même si tu as envie de le faire. Ou bien, tu ne peux plus le faire, même si tu penses le faire. Donc, parmi les choses importantes de profiter des bonnes occasions pour faire le bien au moment où elle se présente et de ne pas attendre à plus tard et de ne pas remettre à plus tard. Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie et Allah Azza wa Jal ne va pas retarder le délai d'une âme lorsque son terme est arrivé. Et Allah est bien informé de ce que vous faites. Donc c'est très important de ne pas retarder la repentance et de se dépêcher à se repentir à Allah et à changer notre vie pour faire en sorte que notre vie soit une vie d'un vrai musulman, d'un vrai muslim, d'un vrai mu'min, et de corriger nos fautes et nos défauts, et de ne pas vivre dans l'indifférence, de ne pas vivre dans l'indifférence et dans l'insouciance, comme si on ne se sentait pas concerné par la question de la religion, par la question de la foi, comme si ces choses-là ne nous concernaient pas à nous directement, que ça c'était quelque chose qui concerne les autres, qui concerne l'imam, qui concerne les ulama, qui concerne les gens qui sont dans la religion, qui pratiquent la religion, comme si toi tu étais à l'extérieur de la religion, que ça te concernait pas. Donc ça c'est très grave. On doit tous se sentir concernés par l'islam et par la pratique de notre islam. Et on doit tous s'impliquer dans notre communauté et dans notre mosquée, dans le sens que on sent qu'on fait partie d'une famille, qu'on est des frères les uns avec les autres. Et aussi une chose importante, de ne pas se sentir satisfait de notre propre ignorance. Parce que souvent on délègue la connaissance ou la compréhension de l'islam aux autres. Comme si c'était pas nécessaire pour nous de faire l'effort de comprendre par nous-mêmes ou d'apprendre pour nous-mêmes les questions de notre religion. Donc s'il y a un sujet ou une question que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas dans l'islam, mais cherche à trouver la réponse dans ce sujet. Appelle des shuyukh, des ulama, essaie de les contacter. Essaie de te retourner vers les références et les ressources qui peuvent t'aider à connaître et apprendre ta religion. Mais ne sois pas satisfait de ton ignorance. Et ne sois pas non plus satisfait de ton état par rapport à ta religion. C'est-à-dire, ne pense pas que le niveau que tu as aujourd'hui par rapport à ta pratique de l'islam, que ça c'est suffisant. Ou que Allah est satisfait de toi tel que tu es. Tu n'as rien à améliorer. Tu n'as rien à changer. Tu n'as rien à essayer de rendre meilleur par rapport à ta religion. Non. Personne ne doit jamais être satisfait de son degré de foi ou de son degré de religion. On doit tous essayer de s'améliorer dans l'islam. On doit tous essayer d'aspirer à devenir meilleurs musulmans tous les jours. Et de jamais penser que tel qu'on est aujourd'hui, c'est suffisant. Parce que le jour où tu penses ça, c'est le jour où tu as tombé en réalité. Tu dois toujours essayer d'être meilleur et savoir qu'en réalité, tu dois pas faire comme on dit, Allah dit dans le Coran, tuzakki nafsak. Allah Azza wa Jalla dit, fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Donc, ne te fais pas à toi-même, une tazkiya. Comme si tu te purifies toi-même en voulant dire, moi je suis un bon musulman. Je sais que je suis un bon musulman. Et je sais que Allah est satisfait de moi. Tu ne sais pas. C'est Allah qui sait. Huwa a'lamu biman ittaqa. Et regarde toujours tes défauts et tes manquements. Et chacun de nous, on doit faire ça. Regardez nos défauts et nos manquements et nos péchés et nos erreurs et demander à Allah sa miséricorde et son pardon et essayer de faire des efforts pour s'améliorer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم